Putain. Parfois on veut faire bien, souvent on se trompe de route, ou on nous aiguille sur la mauvaise. C'est difficile de tenir, difficile de rester debout, hein? Yo, on essaye, yo, de résister à la pression. Je suis sur un fil comme un acrobate en équilibre. Échec que si je tombe, ce sera plus dur de rester fort et plus libre. Ils écrivent livre sur les cités, les ont pris. Des reportages sur des jeunes montrent comment des flics les ont pris. En fait, c'est ça qui nous enferme dans un visuel négatif. Mais ouvre tes yeux sur la mat et notre rituel négatif. Ce que je dis, y'a plus de victimes que de bandits. J'ai toujours dénoncé normal qu'on bite, crime et incendie. On s'éloigne tous du centre comme la force centrifuge. Sur 200 types qu'on croit bien, y'en a bien 100 qui grugent, 100 qui purgent la moindre peine. Et c'est pour eux que les imprennent. La pression et le vice sont là et dans les corps ils s'imprègnent. Du coup, on marche à tâtons, on marche à l'aveuglette. Avec un esprit aussi grand et aussi fort que nos gars peuvent l'être. Mais bon, la pression change, la pression façonne. Mais pour avancer, y'en a certains que la pression passionne. Moi je veux vivre ma vie âgée, pas comme B.I.G. dans un corps pillage. Car le diable comme un keuf en a B.I.G. Contre nos intérêts, mal notés comme lors d'une interro. Interroge-toi quand ils nous montrent les contre les autres, puis nous interrompons d'un trou un par un. Comme Tupac et Biggie, ici on valse avec le diable comme d'autres danses sur un air de Biggie. Mais qui mène la danse dans cet enfer, maquis en carnaval, carnaval. Mais si c'est le savoir que cette pile il a carnaval. L'ignorance pourrit nos âmes, petit frère regarde comment on se tue. Qu'en penses-tu, j'braque, mais dis-moi comment oses-tu. Rien n'est sans incidence, incidence, truc si t'es incidence entre les flammes. Car le mal nous ronge dès l'incident en Occident. Ici on t'occident, mais comme Nas c'est Foxident. La firme faut qu'on s'organise, on tombera en l'Occident. Ce jeu on nie les règles, le pari risqué mais après si on s'en sort, j'ai l'impression qu'ils pourront plus nous mettre la pression. C'est cet environnement qui fait de nous hommes ce que nous sommes. Malheureusement, même si environnement, on lutte pour s'en sortir sain et sauf. Mais la vie est un long parcours et même en durant ça il souffle. Trop de frères sont stoppés par des obstacles. Parfois par d'autres frères car les hommes stacklent. Certains se préfèrent seuls dans la compétition, mais oublient que l'union fait la force comme dans une pétition. C'est peut-être aussi qu'on a perdu le sens des priorités. A priori c'est ce qui se passe dans nos petites têtes aussi. C'est peut-être aussi qu'on a perdu le sens des priorités. A priori c'est ce qui se passe dans nos petites têtes aussi. Volontairement engagé par la famille, je fus encouragé, ragé de voir ces cadavres allongés, les uns sur les autres rongés par les balles, les couteaux plongés dans un fleuve de sang, un champ piégé. J'ai pigé, dans la vie faut rien négliger. Les jaloux, les ennemis sont toujours prêts à t'égorger. Chaque seconde, ta vie est en danger. Mais n'oublie pas, seul le Seigneur pourra te protéger. Dans la vie, c'est soit tu coules, soit t'apprends à nager. Mais si tu te noies, ne compte pas sur les autres pour te dédommager. Ne compte pas sur les autres pour te dédommager. Le philosophe Lyon, 3.9. Résiste à la pression. Résiste à la pression. Climat de violence.